ka sorti sans principe à ka Marcel. Moun ka sorti sans linge à ka Marcel. Moun toutouni à ka Marcel. En manie Adam et Eve. Moun déshabillé. Moi vite tirer chimie en main. Laissez-moi tirer kilot en moi. Moi vite tirer caleçon en moi. Laissez-moi tirer soquette en moi. Moi vite tirer. Laissez-moi tirer. Moi vite tirer. Laissez-moi tirer. Moi vite tirer. Laissez-moi tirer. Moi vite tirer. Laissez-moi tirer. I'm so low. Chiffre à fois qui blindé. I'm so low. Coup à fois qui blindé. I'm so low. Fente à fois qui blindé. I'm so low. En bas fois qui blindé. Fois qui blindé. Woi, woi, woi. Fois qui blindé. En bas blindé. Woi, woi, woi. En bas blindé. Ouai, get en moins. Woi, woi, woi. Péke sauté. Ferme si éclair, toujours fermé. Enlève doudou, what you doudou. Enlève doudou, what you doudou. Enlève doudou, what you doudou. Enlève doudou, what you doudou. Chirey de vent vent, sans certains ont pas rêvé, sont toujours pas rêvé. Nous pas voyer y aller les, nous pas chirey de vent vent, nous pas chirey ya, nous pas boxer ya, nous pas chirey ya, nous pas boxer ya, nous pas chirey ya, nous pas boxer ya. Moi pas né à guider un yon grab qui est net. son grap qui est net trop, ouais. Marie à moi son boulanger, et nyon banton. Marie à moi son cordonnier, et nyon soulier. Marie à moi son charpentier, et nyon gros marteau. Marie à moi son pêcheur, et nyon gros requin. Sans bavure. Chérie, laisse-moi voir ta carte de la Guadeloupe. Oui, Fanny. Je veux explorer plus précisément ta soufrière. Oui, Fanny. Je suis vulcanologue et je voudrais rentrer dans ton volcan. Oui, Fanny. Je souhaiterais voir monter le magma, oh combien précieux. Oui, Fanny. Magma là qu'à monter et moi en redescendre. Incroyable mes vrais doudous, moi soufrière. Souffrez que je sois dans votre soufrière, madame. Magma là qu'à bouillir, écoutez ça. Floup, floup, floup, floup. Flap, floup, floup, floup, floup, floup, floup, floup, floup, floup. Ou peut crier enlève doudou souvelé, ou peut crier retire doudou souvelé. N'importe quoi. Moi bagage enlevé, un bagage ôté, tu vois. Je mets à l'intérieur. De toute façon, c'est mon nez qui a fait que on a eu d'abord vers moi. Ils savent tout à l'heure, ils ont fait enlève doudou, aussi au doudou. Ils ont aimé ça. Ils sont malades à ça, tu vois.